Bonjour, bonjour, bienvenue sur Radio Gamozo dans l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. On se retrouve comme tous les mercredis pour continuer à décrypter les questions qu'on se pose souvent dans la tête et aussi les expressions françaises qu'on aime utiliser. Questions délirantes, drôle d'expression épisode 7, c'est parti. Tout de suite une expression. Avoir le bourbon, se sentir mélancolique. Les expressions évoquent un mal-être. Faut souvent référence aux insectes. Quand on songe à avoir le bourbon, avoir le cafard, être laid comme un pou, prendre la mouche, ou encore avoir des fourmis dans les jambes. Chaque insecte permet une métaphore familière. Le bourbon émet un son bruyant, presque hypnotisant. On retrouve cette notion avec l'expression « avoir les abeilles » qui signifie « être en colère ». Comme si les abeilles nous tourner autour en bourdonnant, engendrant agacement et irritation. Il en est de même avec la comparaison « s'agiter comme un bourbon » qui consiste à s'agiter bruyamment et inutilement. Il s'agit alors de se focaliser davantage sur les bruits émis par le bourdon que sur les caractéristiques physiques. Un bourdonnement incessant entraîne cruellement à se sentir confus, déboussolé et la plupart du temps à se centrer sur soi-même. Avec le bourdon, ma tristesse est plus aérienne qu'avec le cafard, mais aussi plus obsédante. Les bourdonnements d'oreilles ou acouphènes sont particulièrement agaçants. Il n'y a pas de véritable bruit, ce n'est qu'une sensation. Elle est bien réelle, mais l'entourage n'entend pas. Si ce trouble est fréquent qu'à partir de 55 ans, presque la moitié des personnes souffrent, son origine reste incertaine et son traitement est difficile. Il existe un grand nombre de médicaments prétendant les faire disparaître ou les atténuer, mais sans résultat probant. Étrangement, plus l'environnement est silencieux, plus les bourdonnements sont perceptibles. Je cite... J'ai des coups de bourbon terribles à Rome. C'est une ville que j'aime énormément, dans laquelle je me sens bien. Chez moi, en même temps, j'ai eu là-bas des moments de solitude poignante. Philippe Noiret, tiré du livre Mémoire cavalière chez Robert Laffont, 2007. Pour atténuer le désagrément et d'avoir toujours une musique de fond dans son environnement, dès lors, notre esprit focalise davantage sur ce qu'il écoute, sur ce qu'il entend. Mais prenez garde, car toute musique n'est pas bonne à prendre, ainsi évitez le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. C'est le moment de la question délirante. La composition du Coca-Cola est-elle vraiment une secrète? Qu'on aime ou pas, le Coca-Cola, on en a tous bu au moins une fois dans notre vie. Je me suis dit, certains aimeraient peut-être se faire un petit trip Coca-Cola homemade. Alors cette question est pour vous. C'est vrai qu'on dit que la recette du Coca-Cola est confidentielle. Et pour cause, Coca-Cola Company ne partage pas trop ses secrets de fabrication. Et a fait tout son possible pour faire de sa mystérieuse recette une légende. Repartons d'abord à l'origine de cette boisson. On doit Coca-Cola à John Pemberton, un pharmacien d'Atlanta de 1885. Très vite, la boisson devient célèbre et les consommateurs se multiplient. Déjà à cette époque, le secret est important pour Coca. Puisqu'on a beau connaître la recette originale, on ne sait pas quand et comment les ingrédients sont mélangés à l'unité de mesure des essences de l'arôme. Aujourd'hui, les chimistes savent que Coca-Cola contient de la cannelle, de la muscade, de la vanille, de l'extrait de coca, de la lavande, du jus de citron vert et d'autres agrumes ainsi que de la glycérine d'origine végétale. La noix de cola, elle a été remplacée par de la caféine. Mais il reste encore des zones d'ombre sur lesquelles l'entreprise ne communique pas. C'est l'heure de la question bonus. Pourquoi les feux tricolores sont-ils verts, orange puis rouge? En Europe, ces couleurs apparaissent sur tous les feux tricolores. Généralement, le feu vert, puis orange, puis rouge. Tout ça a été fixé en 1968 lors de la Convention de Vienne sur la sécurité routière. Si on a choisi ces couleurs, c'est pour une raison bien simple. Elle est rapidement et facilement interprétée par le cerveau humain. Le rouge est une couleur vive, crue et celle du sang, de l'interdit. Quelle meilleure couleur pour faire comprendre à quelqu'un qu'il faut s'arrêter. Le vert, quant à elle, est associé et imaginaire à une validation, une autorisation, une bonne chose. Il est d'ailleurs situé à l'exact opposé du rouge, sur le cercle chromatique. Encore une fois, il semblait naturel que cette couleur indique un droit de passage. Pour ce qui est de la couleur intermédiaire, l'orange, elle est située à mi-chemin entre le rouge et le vert, sur ce fameux cercle chromatique. Ici, pour vous, le jaune aurait semblé plus juste. Sachez que les pays européens ont déjà eu ce long débat à ce sujet. L'orange a définitivement été adopté, car plus sombre que le jaune. Il rejoint l'idée de l'interdiction du feu rouge. Comme il est demandé de freiner puis de s'arrêter au feu orange en voiture plutôt que d'accélérer pour passer avant le rouge. Tout coule de source, sauf pour les daltoniens. Voilà, c'est tout pour cette semaine, et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour continuer à apprendre des choses et toujours dans la bonne humeur. Salut !